Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Il est chaque jour ou presque dans les actualités économiques plus précisément, et cependant, il ne mesure rien ou en tout cas rien de réel. Et si le pouvoir d'achat était une supercherie, autrement dit un Super Fail? J'ai le pouvoir d'achat. Ah, j'achèterai plein d'objets sans fil. Ah, j'achèterai un écran plat. Ah, la vie serait plus facile. Ah, j'achèterai un stylo. J'achèterai un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi. Pouvoir d'achat, le grand mensonge, c'est votre livre. Philippe Erlin, vous êtes économiste et vous devez tout d'abord nous expliquer pourquoi vous qualifiez le pouvoir d'achat de grand mensonge au terme donc de ce que vous avez trouvé dans une enquête publiée chez Erol. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat? Comment le calcule-t-on? Alors, le pouvoir d'achat, c'est la différence entre l'augmentation des salaires et l'inflation. Alors, connaître l'augmentation des salaires, c'est assez facile parce que tout est déclaré aux impôts. Donc, c'est une donnée qui est assez simple, je dirais, à obtenir. Par contre, mesurer l'inflation, là, c'est déjà plus compliqué. Il faut faire des hypothèses. Alors, on fait un panier de la ménagère en essayant de faire en sorte qu'il représente au mieux les habitudes de consommation de l'ensemble des Français pour mesurer, voilà. Et moi, ce que j'ai dans ce livre, c'est que il y a un certain nombre de biais dans ce panier de la ménagère qui font que l'inflation réelle et l'inflation est sous-estimée par l'INSEE. Voilà. Alors justement, on va ouvrir ce panier et on y trouve quoi, Philippe Erlin, dans ce panier qui sert à calculer le pouvoir d'achat ou plus exactement l'inflation? Alors on y trouve, normalement, on y trouve l'ensemble des produits et services consommés par les Français, en faisant en sorte que ça corresponde au mieux aux Français moyens. Voilà, c'est l'objectif, c'est de calculer l'inflation moyenne. Maintenant, il y a deux biais importants, parce que le problème de l'inflation, c'est que si c'est un peu trop élevé, ça coûte cher à l'État, parce qu'il y a beaucoup de minima sociaux qui sont indexés sur l'inflation. Les salaires des fonctionnaires sont pas forcément indexés, mais c'est un élément de référence important. Puis même dans le secteur privé, quand on demande une augmentation, on se base sur l'inflation de l'INSEE. Donc c'est un indicateur qui a une grande importance. Et donc on comprend tout l'intérêt qu'a l'État et l'INSEE à vouloir le minorer un peu. Voilà. Donc. Alors justement, dans ce livre, le pouvoir d'achat, le grand mensonge, vous expliquez très bien qu'il y a un certain nombre de produits qu'on devrait y trouver mais qu'on ne trouve pas sous leur forme originelle. Par exemple, la plupart des gens habitent, doivent débourser une certaine somme d'argent pour avoir un logement et, miracle, dans le calcul du panier de la ménagère, il n'est pas question d'immobilier. Alors, il est question d'immobilier mais à un taux extrêmement faible, complètement marginal. Dans le panier, justement, dans ce fameux panier de l'indice des prix à la consommation, le logement pèse pour 6%, ce qui est un chiffre ridicule. Il y a quasiment aucun Français qui ne consacre que 6% au logement. Alors, il y a les explications, c'est que, le principe de l'explication, c'est que le logement d'acquisition ne fait pas partie du logement parce que l'INSEE considère que c'est un investissement. Ceci dit, la plupart des ménages commencent par louer, puis ensuite acheter. Et puis, on peut pas non plus considérer que c'est vraiment un investissement parce que ça coûte de l'argent. Alors, si on achète pour louer, évidemment, ça, c'est un placement. Mais la plupart des gens, ils achètent, c'est pour eux, donc ça leur apporte pas et même ça leur coûte de l'argent. Donc, tout le logement d'acquisition est exclu. Et puis, même si on prend que les loyers, bon, il y a en gros la moitié des Français qui payent un loyer. Alors, si 6%, ça veut dire que ça fait 12, mais même ça, c'est un chiffre qui est complètement en dessous de la réalité. Surtout que je m'appuie sur d'autres études de l'INSEE qui montrent que le logement, ça pèse plutôt 15, 20, 25% du budget des ménages. Donc, en tout cas, c'est comme ça quand vous voulez louer un appartement. Généralement, on considère que il faut pas que ça dépasse le tiers de vos revenus, voilà, je crois. Voilà. Donc, c'est plutôt cet ordre de grandeur. Alors, le problème, c'est qu'en minorant le logement, on efface complètement toute la hausse des prix du logement qui a eu lieu en France. Alors, un peu au début des années 90, mais surtout depuis le début des années 2000. On le voit à Paris, mais on le voit dans toutes les capitales régionales, dans toutes les métropoles régionales, et dans toute la France en général. Donc, toute cette hausse des prix que les Français ont supporté par les loyers, par les crédits immobiliers, etc., et ben, elle est complètement passée à l'as dans l'indice des prix à l'INSEE. Et donc, c'est le premier gros facteur de minoration de l'indice des prix en France. Le second facteur de minoration, tel que vous l'expliquez, Philippe Erlin, c'est ce que vous appelez d'ailleurs l'effet qualité. Mmh. Alors, par exemple, lorsque je remplace une marque de bière par une autre dans le panier de la ménagère, il y a un certain nombre d'effets. Expliquez-nous. Oui, alors l'effet qualité, il apparaît, il est le plus important dans les produits technologiques, mais on voit aussi ailleurs. Mais pour bien comprendre cet effet qualité, si vous achetez un nouvel iPad et que le prix est plus élevé que l'ancien, bah pour vous, c'est clairement une perte de pouvoir d'achat parce qu'il vous coûte plus cher. Mais l'INSEE va considérer que comme non, en fait, le nouvel iPad, il est plus puissant, il a plus de fonctionnalités, vous en avez plus pour votre argent, donc... Nous, l'INSEE, on va mettre un prix égal ou même inférieur à l'ancien. Ce qui fait que pour l'INSEE, il n'y aura pas de hausse des prix. Et ça concerne alors beaucoup les produits technologiques, ce qui fait que ça tire vers le bas l'indice. Mais ça concerne aussi des biens alimentaires. Par exemple, si votre jus de fruits augmente son prix, mais qu'au passage, il y a quelques vitamines en plus, et ben l'INSEE va considérer que vous en avez plus pour votre argent, donc il n'y a pas d'augmentation de prix. Ça concerne le vêtement aussi. Enfin bon, ça concerne un quart des produits de l'indice des prix tous les ans. Et ça contribue aussi à rogner les hausses des prix. Et ça, c'est quelque chose d'assez paradoxal, parce que si j'ai l'habitude de boire de la bière Tartempion, que le prix de la bière Tartempion augmente, je subis une hausse des prix et je ne vais pas me déplacer sur un autre produit moins cher. Enfin, si je le fais, en tout cas, je le ferai en ayant l'impression de rogner sur ma cagnotte, en tout cas. Tout à fait, c'est-à-dire, pour l'alimentaire, en général, on est habitué à une marque, si on aime une marque de produit, voilà, si son prix augmente, on vit ça comme une perte de pouvoir d'achat. Mais l'INSEE considère que vous pouvez trouver un produit équivalent au même prix ou inférieur, donc il n'y a pas de hausse des prix, qui ne correspond pas au ressenti des gens. Effet qualité, Philippe Erlin, vous en montrez l'absurdité, par exemple, avec les ordinateurs. Voilà, parce que quand on rajoute un effet qualité sur plusieurs années, ça fait chuter le prix. Et justement, je m'appuie sur justement des chiffres de l'INSEE où en 1990, l'INSEE avait pris plusieurs prix qui étaient exprimés en base 100. C'est-à-dire que l'objet valait 100, puis on compare différents produits, le paquet de cigarettes a augmenté. Et puis l'ordinateur qui, lui, a beaucoup baissé grâce avec cet effet qualité de l'INSEE. Et selon l'INSEE, à peu près 25 ans plus tard, cet ordinateur, il n'est plus à l'indice 100, il est à l'indice 5. C'est-à-dire que son prix a été soi-disant divisé par 20. Alors, si on reprend des chiffres, ce que j'en mets dans le livre, le prix d'un ordinateur en 1990 qui valait à peu près 1000 euros, enfin en francs, on va prendre 500 francs, donc 1000 euros, s'il est divisé par 20, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne coûterait plus que 50 euros. Alors, je serais bien que l'INSEE nous dise dans quelle boutique on peut acheter un ordinateur de bureau neuf à 50 euros. Bon, et cet exemple-là montre l'absurdité de cet effet qualité qui, accumulé sur plusieurs années, donne des chiffres qui sont complètement aberrants. Voilà. Mais l'INSEE continue de l'utiliser et ça continue. Donc le logement en plus, l'effet qualité, bah, ça rogne tous les ans l'inflation, ce qui fait que ça permet de dégager un pouvoir d'achat positif, soi-disant, alors que les gens ressentent bien. Quand on fait des sondages, les gens disent mon pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté, quoi. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles et puis et se pencher sur la façon dont sont construits les indices économiques. Mais alors, Philippe Erlin, il y a quand même dans le panier du ménager ou de la ménagère, il y a quand même des produits dont le prix baisse. Alors, par exemple, les vêtements, vous l'expliquez dans Pouvoir d'achat, le grand mensonge, le prix des vêtements diminue. Tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai fait dans ce livre, je ne me suis pas contenté de critiquer, parce que c'est aussi facile de le faire. Et ces critiques-là avaient déjà été formulées dans des rapports officiels, donc je ne suis pas le premier à en parler, mais ce que j'ai voulu refaire, c'est reconstituer une histoire des prix, alors sans m'appuyer sur l'INSEE, parce que justement, je n'ai pas confiance dans l'INSEE, donc je suis allé chercher des prix dans les catalogues de la Redoute, dans des brochures commerciales, dans un certain nombre de bases de données, entre 1965 et 2015, donc sur 50 ans, pour avoir une vraie grande période d'évolution des prix. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a effectivement des produits dont le prix baisse, c'est-à-dire où les gens gagnent du pouvoir d'achat. Donc sur le vêtement, c'est assez important. Sur certains produits électroménagers, sur l'alimentation, on gagne aussi un peu. Mais il y a d'autres domaines où ça stagne, ou même ça monte. Par exemple, l'automobile et aussi le carburant. Et puis il y a un domaine où là on est largement perdant, c'est l'immobilier. Et quand on met tout dans la balance, depuis, alors, 65, non, j'ai pris 65 pour avoir la fin des 30 glorieuses, où là, il y a une forte progression du pouvoir d'achat. Mais quand on prend depuis 1975, 1970, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe depuis la crise. Depuis 75, jusqu'en 2015, donc sur ces 40 années-là, nous sommes perdants en pouvoir d'achat. Et le gros de la perte a lieu à partir des années 2000, parce qu'à partir des années 2000, on voit une hausse des prix des matières premières, donc ça, ça impacte l'énergie et l'alimentation, et on voit une hausse aussi de l'immobilier en France, mais pas seulement aux États-Unis, ça va donner à la crise subprime, en Espagne, en Irlande, il y a plein de pays. Et donc là, ça va affecter des gros budgets des ménages, c'est-à-dire l'alimentation, l'énergie et l'immobilier, puis c'est des budgets qu'on peut pas repousser dans le temps. Bon, alors le prix des dépenses contraintes. Voilà, donc le prix des écrans plats, il diminue, ça c'est vrai, hein, mais c'est pas une dépense absolument nécessaire, on peut repousser la dépense, l'alimentation, on est obligé, hein. Donc ça, ça a vraiment impacté le pouvoir d'achat des Français à partir de 2000. Alors ça a été mis un peu sur le dos de l'euro. Les gens disent, ah, depuis l'euro, on se fait arnaquer, c'est à cause de l'euro. En fait, c'est pas vraiment à cause de l'euro. Il n'y aurait pas eu l'euro, on aurait quand même perdu en pouvoir d'achat. C'est des causes économiques qui sont plus profondes que ça. Et que l'INSEE, que l'indice des prix, n'a pas vu. Et ce qui fait que l'INSEE a continué d'annoncer une hausse du pouvoir d'achat, alors que les Français étaient obligés de se serrer la ceinture. Et alors, du coup, si vous refaites les calculs, puisque donc vous considérez que la notion de pouvoir d'achat telle qu'elle est mesurée aujourd'hui par l'INSEE doit être mise en cause, du coup, le vrai chiffre en matière de pouvoir d'achat, quel serait-il ? Est-ce que vous êtes capable de proposer une autre version du pouvoir d'achat ? J'ai fait une estimation, mais donc moi, j'ai pas les moyens de l'INSEE, donc je peux pas reconstituer un panier de la ménagère, en plus sur 50 ans, donc il y a des produits qui ont disparu, d'autres qui sont apparus. Mais je fais une estimation à partir du fait que la hausse du poids du logement dans le budget des Français à partir des années 80, il est complètement subi, il n'est pas voulu. C'est-à-dire que dans les années 80, les Français ne sont pas tout d'un coup dit, oh bah tiens, je vais augmenter ma surface d'habitation, je vais habiter dans le centre-ville. Non, c'est plutôt le contraire, les surfaces ont diminué. Les gens ont été obligés beaucoup d'habiter dans ce qu'on appelle la France périphérique. Bon, ils ont été contraints. Et pourtant, la part du logement dans le budget a augmenté d'un peu plus de 10%. Donc, c'est fait que j'en déduis que la perte de pouvoir d'achat global est de l'ordre de 10%. Et ça correspond à peu près à des chiffres qu'a publié 60 millions de consommateurs qui se livrent aussi à ce genre d'études d'estimer le pouvoir d'achat, où dans les années 2000, on perdait de l'ordre de 1% par an, quoi, ce qui fait quand même beaucoup. Voilà, donc en gros 10%, mais c'est une estimation que je juge assez optimiste. Hein. Ça peut être plus. Voilà. On a vu les prix qui diminuaient, il y a des prix qui restent stables, par exemple les voitures. Alors vous êtes fondé sur l'exemple d'une R5. Alors évidemment, la R5 n'est plus produite. Pour la voiture, j'ai pris. Avant les prix neufs, c'était compliqué, mais j'ai pris la cote Argus d'un an. Donc j'ai parti du principe que la personne achetait la dernière Renault. J'ai pris Renault parce que c'est les modèles les plus populaires. Donc la 4L, la R5, la Super 5 et la Clio, première, deuxième, troisième génération. Il achète à chaque fois la Renault la plus récente. Et on voit une stabilisation du prix, les années 80-90. Mais on voit une remontée à partir des années 2000-2010. Et ça, je pense en grande partie à cause des doutes, les normes anti-pollution. Alors, il ne s'agit pas de juger, je pose, c'est pas la question. C'est certainement bien de le faire, mais toujours est-il que ça a contribué à nettement augmenter le coût des voitures, et ce qui fait que là encore, on est perdant sur l'achat d'automobiles, et les gens se rendent compte qu'elles deviennent de plus en plus chères. Et je cite aussi un autre chiffre, c'est que l'âge moyen auquel les Français achètent une voiture neuve ne cesse de reculer. Donc ça prouve bien que c'est de plus en plus difficile d'acheter une voiture neuve. Et tous ces signes-là, ils sont pas perçus par l'INSEE, ils sont pas mis en évidence par l'indice des prix. Et lorsque vous étudiez, par exemple, le prix des loisirs, là, vous voyez une diminution. Oui, parce que j'ai pas pu avoir la série sur 50 ans, mais surtout que c'est des produits qui n'ont pas existé pendant toute la période, mais j'ai pris, par exemple, le coût d'un poste radio, le coût d'un tourne-disque, le coût d'une caméra Super 8. C'était des objets qui coûtaient très cher. Un poste radio au début des années 70, ça coûtait presque la moitié d'un salaire mensuel de SMIC. Donc c'est quand même beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, c'est des produits qui valent quasiment rien. Puis on a tous sur son smartphone et on peut avoir des smartphones pour pas cher. Donc là, il y a eu des gains de pouvoir d'achat qui sont énormes. Tout ce qui concerne en fait l'électronique, et je dirais le moteur principal, c'est la loi de Moore, ce qui fait que la puissance des processeurs double tous les deux ans à peu près. Et ça a induit des gains de productivité qui sont gigantesques dans tout un tas de produits Et là, il y a des gains de pouvoir d'achat, je suis d'accord, je le dis. Mais quand on en vient aux besoins, je dirais, physiologiques, il faut un toit, il faut manger, il faut se déplacer en voiture, faut se chauffer. Bon, bah, là-dessus, il y a un peu de progrès parfois, et globalement, il y a de la perte. Voilà, globalement, il y a de la perte, c'est clair. Vous évoquez un certain nombre de causes. Alors, vous évoquez notamment ce que vous appelez l'effet Cantillon. Il faut que vous définissiez ce que ça veut dire et ce que ça représente comme conséquence pour le pouvoir d'achat, Philippe Erlin. Oui, alors ça, c'est l'effet Cantillon. C'est pour mesurer un peu, c'est pour expliquer pourquoi les matières premières sont mises à augmenter au début des années 2000. En fait, les banques centrales, alors ça a commencé par la Banque Centrale Américaine, a commencé à faire ce qu'on appelle la planche à billets. Il s'agissait, en baissant les taux d'intérêt et en offrant beaucoup de liquidités au système bancaire, pour faire face au choc, alors premièrement le crack des valeurs internet début 2000, et puis les attentats du 11 septembre. Il fallait absolument éviter qu'il y ait une récession économique aux États-Unis, ça aurait été une victoire des terroristes. Donc la Banque Centrale Américaine a lâché les vannes en quelque sorte, elle a été suivie par d'autres banques centrales. Et tout cet afflux de monnaie, il s'est transféré. Alors normalement ça fait de l'inflation, mais ça fait de l'inflation par vague, c'est-à-dire ça a profité au secteur bancaire, ça a fait monter les actifs, les actions, l'immobilier justement, on en parlait. Donc ça a créé, en plus de la perte de pouvoir d'achat, ça a creusé les inégalités. C'est-à-dire que les gens qui possédaient déjà beaucoup d'immobilier, les gens qui avaient une fortune ou un patrimoine important, qui possédaient déjà l'immobilier, eux, ils se sont enrichis. Ceux qui possédaient un portefeuille d'actions, eux, ils se sont enrichis. Et donc, ils ont pu compenser une éventuelle baisse de pouvoir d'achat de leur salaire. Par contre, ceux qui n'avaient pas de patrimoine et qui ont dû acheter leur logement principal ou qui payaient leur nourriture et leur chauffage, bah eux ils ont perdu. Et ce qui fait que cet effet Cantillon, ça c'est un économiste écossais qui vivait en France au moment de Louis XV, donc qui a découvert ça quand l'or a été ramené en Espagne suite aux conquêtes d'Amérique du Sud. Bon, il a vu cet effet là. Donc et cet effet Cantillon, il explique que non seulement donc il y a une perte de pouvoir d'achat comme je le dis, mais il y a en plus un creusement des inégalités. Et lorsqu'on essaye de comprendre les causes, parce que donc, finalement votre thèse globale, Philippe Erlin, consiste à dire que le pouvoir d'achat a diminué, contrairement à ce qui est expliqué, et on en cherche du coup les déterminismes, parce que on se dit finalement que si on prélève de plus en plus d'argent sur les personnes, où est allé cet argent? Quelles sont les raisons pour lesquelles notre pouvoir d'achat aurait diminué, Philippe Erlin? Alors, il y a deux principales. Il y a déjà le fait que notre économie se porte mal. Et nous avons par exemple un chômage important. Alors parfois il baisse un peu, mais il reste important, surtout par rapport aux autres pays. On fait face à une désindustrialisation qui est réelle. On a une balance commerciale qui est négative, qui est la pire de toute l'Europe. Donc, avec tous ces indicateurs qui sont au orange ou au rouge, tout d'un coup, il y aurait le pouvoir d'achat qui serait au vert. Déjà rien que ça aurait dû questionner, quoi. Bah non, le pouvoir d'achat, il est aussi dans le rouge. Voilà, il est aussi. Donc c'est lié au mauvais état, à la mauvaise adaptation de la France à la mondialisation, à la concurrence, au manque de compétitivité de notre industrie et de notre économie. Et l'autre raison que je vois aussi, c'est que la place de l'État a augmenté au cours depuis la crise, à travers des impôts et des taxes. Et l'État, lui, a pas fait les efforts. Les ménages ont fait beaucoup d'efforts pour contrôler leur budget, les entreprises aussi, celles qui n'ont pas pu, elles ont fait faillite. Donc les entreprises ont fait des efforts et on a un certain nombre de secteurs dans lesquels les entreprises françaises sont brillantes et tant mieux, mais il n'y en a pas assez. Mais l'État, lui, n'a pas fait trop d'efforts et il a capté une grosse partie des richesses qui ont été créées. Voilà, donc ça explique aussi que le pouvoir d'achat qui reste une fois qu'on a payé les impôts, les taxes, il est pas terrible, quoi. Voilà. Et oui, parce que ce qu'il faut dire, on pourra terminer là-dessus, Philippe Erlin, c'est que les impôts, eux, ne font pas partie du calcul du pouvoir d'achat. Oui, voilà, parce que bon, ça dépend de situations particulières. C'est comme les prestations sociales. Alors d'un côté, on pourrait me dire les prestations sociales ont augmenté. Bon, mais là encore, ça dépend de cas particuliers, donc c'est un peu difficile de l'évaluer. Mais disons que les impôts sont pas comptabilisés comme ça. Donc le pouvoir d'achat, lui, il subit aussi cet effet-là, quoi. Voilà. Le pouvoir d'achat. Un grand mensonge, c'est une enquête exclusive, est-il écrit sur la couverture de votre ouvrage, Philippe Erlin, et c'est publié aux éditions Erol. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Anthony Thomasson à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Super fake.